quatrième volet d'une nouvelle série de rediffusion d'été de documentaires de la Fabrique de l'Histoire, une série consacrée cette semaine à une plongée dans les archives. Comment faire ressortir des archives les vies minuscules de ceux qui n'ont jamais parlé ou écrit? C'est une question qui taraude depuis longtemps l'historienne Arlette Farge, qui est au cœur du documentaire signé Séverine Yatar et Séverine Cassard que nous allons entendre aujourd'hui, qui a déjà été diffusé dans la Fabrique de l'Histoire le 31 octobre 2017. Dans ce documentaire, Arlette Farge nous conduit dans le fonds d'archives Y des Archives Nationales, là où elle travaille depuis très longtemps, pour retrouver des histoires d'anonymes de Paris à la fin du 18e siècle, avant la Révolution française. C'est ce que nous vous proposons d'entendre aujourd'hui, cette plongée dans des archives écrites. Série Y 9837, 18 décembre 1775. Jacques Louis, tourneur, demeurant rue de Charenton, lequel a dit qu'hier, étant à la Grande Pinte avec plusieurs de ses camarades à danser, André Rançon, dit Le Dragon, qui demeure à la Grande Pinte, maison du jardinier, ont cherché dispute aux comparants, particulièrement Rançon, qui journellement fait tapage et se rend maître dans les cabarets, et se sont battus deux ou trois fois. 29 juillet 1775. Marie-Cécile Prévost, 22 ans, domestique au service de Madame Grandval, rue de la Comédie-Française, depuis un an, nous a dit qu'elle aurait fait la connaissance de Copro, domestique au service de la dite dame depuis 15 ans, que Copro l'aurait recherché pour le mariage et lui a donné nombre de fois sa parole. 25 juillet 1775. Françoise Anne Leclerc rend plainte contre Étienne de Villard, citoyen de Genève, employé à Paris. Dépose qu'il feignit de brûler d'un feu légitime et employa tout ce que la séduction a de plus raffiné pour parvenir à toucher son cœur. Politesse, honnêteté, prières, larmes, promesses. Arlette Farge a beaucoup travaillé à partir de sources judiciaires, des documents qui constituent la série Y aux Archives nationales. En compagnie d'Isabelle Fouché, responsable de ce fonds du Châtelet qui répertorie les actes juridiques de Paris et sa région, du XIVe siècle à la Révolution française, l'historienne nous raconte ses archives. Bon, je sors les documents, je te les mets là-bas. Les voici. C'est du papier. Alors, voilà, dans la première liasse. Bah, Isabelle, les archives que vous êtes en train de sortir, donc il faut peut-être... Ouais. Toujours ces archives qui sont rangées dans des cartons noirs, avec des pochettes, des sous-pochettes, et puis des cotes, évidemment. Ouais. Y, c'est 18 800 articles. C'est beaucoup. 2,4 km. Vraiment, ce qui est, je crois, frappant pour tout le monde, quand il ouvre les archives, en tout cas, ces boîtes et ces liasses, comme vient de le faire Isabelle, qui conserve tout ça et qui s'en occupe, c'est d'une part le matériau lui-même. Bon, on sent bien que c'est pas d'hier. Et ça donne une certaine émotion de tout d'un coup, à travers ce papier, même un peu abîmé, un peu écorné. Voilà, on va trouver un nombre de choses tout à fait étonnante sur un monde très particulier, puisque ça, il s'agit que d'archives de police, et c'est pas des grands crimes, c'est des petits délits, des choses qui sont pas des parricides, de grandes criminalités. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait. Et vous, voilà. Dites d'ailleurs, vous racontez à Arlette Farge, c'est votre directeur de recherche qui vous a un peu conseillé d'aller voir ce fonds, explorer ce fonds. C'était des cartons qui n'avaient jamais été ouverts, oui. il y avait de la poussière, il y avait une odeur particulière, enfin... Quand je suis venue pour la première fois, c'était pas dans des cartons comme on les voit ici, c'était vraiment ficelé. Et sans faire de procès aux Archives nationales, on peut dire que c'était extrêmement peu bien conservé, parce que c'était tout en haut dans les étages, et je me souviens d'avoir vu quelquefois les fenêtres ouvertes et la pluie pouvait tomber, mais c'est il y a longtemps tout ça. Bon. Et donc c'est maintenant conservé de façon très très attentive. Et on le doit aussi à Isabelle Fouché qui est là, parce qu'elle a remis tout en état et aussi refait l'inventaire. Donc moi, quand il m'a conseillé de venir ici et de voir, j'ai j'ai pas su que j'en ferais ma vie entière, c'est jamais ça, mais j'ai eu l'impression que j'étais devant quelque chose qui n'avait encore jamais été fait en histoire, ou tout du moins exploré. Et donc, ça m'a donné envie, effectivement, de poursuivre, d'autant que c'était bien que j'ai fait des études de droit, c'était pas tant l'aspect judiciaire, la procédure et tout ça qui m'intéressait, mais c'était le contenu. Et je voyais bien que c'était un contenu que les livres d'histoire ne connaissaient pas, soit les livres d'histoire à l'école secondaire, soit même ce que j'avais appris à l'université. Et c'est aussi en parlant à d'autres collègues qui ne connaissaient pas et qui m'ont poussé aussi en disant bah, c'est certainement intéressant. Et en même temps, pour eux quelque part, et ça j'ai ressenti tout au long de ma carrière, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, il y avait quelque chose d'anecdotique. Est-ce que c'est de la vraie histoire que d'aller chercher dans les archives de police les faits divers les plus infimes et de faire l'histoire avec? Ce dont j'ai, moi, tout de suite été persuadée parce que mon directeur de thèse était quelqu'un qui était très, très... Robert Mandreau était très influencé. Il avait travaillé sur la sorcellerie. Il avait donc travaillé aussi sur les archives et sur les procès de sorcellerie. Et donc, moi, je me posais pas ce problème-là. Mais j'ai toujours eu face à moi la discipline historique un peu réticente ou vaguement souriante. Il fallait davantage travailler sur des archives plus institutionnelles. On commençait déjà quand même avec les annales à travailler sur des événements, mais travailler sur le minuscule. Je crois qu'il a fallu le livre de Pierre Michon, Les vies minuscules, dont je me souviens pas de la date exacte de parution, pour que ce terme vie minuscule prenne vie justement dans l'histoire. Or, c'était un livre de fiction. Mais travailler sur ceux qui n'ont jamais parlé, sauf devant la police, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, qui étaient souvent dans la misère ou à l'hôpital ou dans des conditions très défavorisées, effectivement, on ne connaissait pas leur histoire. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était de les rassembler pour faire leur histoire et leur mode de vie qui était si peu connu à l'époque. Vous avez choisi Arlette Farge? Oui, j'ai choisi. Alors là, on est dans 1784, fin décembre, je crois, et on est en face d'une plainte. Il y a 20 quartiers dans Paris, et il y a à chaque fois la maison du commissaire dans chaque quartier, donc il y a à peu près 48 commissaires. Et si vous avez n'importe quel problème, le commissaire de police est apte à vous aider ou à vous contraindre, c'est-à-dire qu'il a un rôle très particulier dans le quartier, mais en général, il reçoit les plaintes. Cette plainte qui est donc écrite par un greffier, donc c'est pour ça qu'il y a une belle écriture. Alors là, il s'agit d'un chien. Alors, il s'agit d'un domestique, Jean-Baptiste de Rem, qui est au service quand même de quelqu'un d'important, de Daguesseau, qui est commandeur des ordres du roi, et qui rend plainte contre un traiteur, et les traiteurs, c'est ceux qui vendent de la nourriture, qui s'appelle Fabre, qui habite à Paris, et il rend plainte contre lui, sa femme, et leurs enfants, qui sont des garçons. Et il dit qu'à un instant, passait dans la rue le chien, qu'il s'est rendu en courant dans les jambes du plaignant, qui lui a involontairement marché sur la patte. Et l'un des garçons du dit Sieur Fabre, qui fendait du bois dans la rue. Donc ça, bon, par exemple, une phrase comme ça, fendre du bois dans la rue, ça vous donne déjà beaucoup de renseignements sur ce qui se faisait dans la rue. Ayant entendu le cri du chien, a traité le plaignant d'animal, que ce dernier, lui ayant observé qu'il n'avait pas fait exprès de marcher sur la patte du chien, la femme du dit Fabre, qui était dans l'allée de leur maison, a donné au plaignant un grand soufflet, et aussitôt le dit Fabre est arrivé avec plusieurs autres personnes, et bon, et il se passe une très très grande dispute, je continue pas, mais c'est pour vous dire que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était à la fois le côté dérisoire du début de l'affaire, un chien dans la rue, et en même temps donc l'importance que ça prend, mais aussi tous les détails, parce que ensuite vous avez des témoins Et c'est ça qui est encore plus intéressant que les plaintes, parce que eux, ils ont assisté à la scène, et ils vont la raconter, et ils vont la raconter avec plein de détails sur la vie. Peut-être, s'ils sont voisins, ils connaissent la famille du traiteur, ou ils connaissent le propriétaire du chien. Et donc, ils vont donner beaucoup, beaucoup de renseignements, et on va voir vivre un quartier. Et c'était ça qui m'intéressait, c'est d'ailleurs de partir de choses vraiment petites pour aller vers un ensemble plus grand et pouvoir élaborer des sujets, c'est-à-dire... Après, à partir de là, moi, j'ai travaillé soit sur la violence, soit sur l'opinion publique, soit sur la famille, soit sur l'enfant. Et je voulais traverser tout ce qui pouvait constituer la vie populaire, en somme. Il faut en lire beaucoup de plaintes pour justement trouver des... Oh, j'en ai lu, je ne peux même pas dire. Je pense que des plaintes, j'ai dû en lire des milliers. Et en plus, je les ai toujours recopiées. Parce que pour moi, c'était très important, non pas de prendre des notes, mais d'entrer avec mon corps, mon écriture, ma main, à l'intérieur de ce domaine. Et je me disais que, en ne résumant pas, mais en écrivant, selon justement le style et la syntaxe de cette époque, les injures, etc., de toutes les relevées, je pourrais rentrer mieux dans le siècle. Alors, vous me demandez combien, je ne saurais pas vous dire, en gros, des milliers, parce qu'après, j'ai travaillé à la bibliothèque de l'Arsenal, où j'en ai encore lu beaucoup, beaucoup, donc j'en ai lu beaucoup. Oui. Et c'est de là aussi que provient l'émotion ? Alors, bon, l'émotion, il y a l'émotion que vous ressentez, vous, parce que tout d'un coup, vous allez en effet travailler sur, voilà, par exemple, un autre type de plainte, plus difficile à lire, vous voyez, tachée d'encre, etc. Mais il y a deux types d'émotions. Il y a l'émotion d'être en effet plongé, comme ça, dans la vie de gens qui n'ont pas demandé... Voilà, comme l'a dit plus tard Michel Foucault, la lumière de la police sur eux, qui va leur faire de l'ombre d'ailleurs, on ne les aurait jamais connus. Donc il y a cette émotion-là, mais celle-là, je pense, et j'ai appris à la contraindre, à la limiter, parce que l'histoire, c'est un socle de véridicité, c'est pas la vérité, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose de véridique et ma subjectivité, elle doit passer après un raisonnement rigoureux, des hypothèses qui se confirment ou ce qui se confirme pas. Mais le deuxième temps de l'émotion, c'est en fait celui de la construction ensuite de ce que vous allez travailler, c'est-à-dire surtout, comment dire, ces plaintes, elles sont remplies elles-mêmes d'émotions. Les gens sont eux-mêmes ou blessés, donc émus, ou mis en prison, donc émus, ou malades, donc émus. Et de faire en sorte que l'émotion, qui n'était pas tellement étudiée, maintenant c'est la mode, hein, il y a l'histoire des émotions qui est parue, maintenant c'est vraiment un sujet presque trop à la limite, c'est toujours pareil, ça commence tout petit, mais ça devient presque trop envahissant. Mais c'est de pouvoir, à partir de là, montrer une histoire des émotions dans un cercle populaire. Et c'était de dire que l'histoire se fabrique non pas qu'avec des traités, des raisonnements, ou des ordonnances de police, ou des conduites, etc., mais aussi avec un champ d'émotions et d'affectivité, de sensibilité, surtout au XVIIIe, très très intense. Donc il y a deux types d'émotions. On m'a toujours classée comme l'émouvante Arlette Ward, l'émotionnelle, tout ça. Et en fait, ça c'est parce que je suis une femme, mais maintenant, heureusement, tout ça a beaucoup progressé. Et quand on forme les étudiants, moi j'essaie de leur dire qu'il faut se méfier des émotions qu'on a soi-même et qui en même temps nourrissent le champ d'expérience, mais en même temps que ce sont sur les émotions de gens qui ont vécu il y a si longtemps qu'il est très intéressant de travailler. Série Y, 9826, 27 février 1775. Est comparue Demoiselle Pétronille Raison, demeure en montagne Sainte-Geneviève, laquelle nous a dit qu'elle demeure depuis 9 mois dans la maison du sieur Levier, que sans connaître la dame Feuillade, dont le mari est maître à danser, ni la femme Loquin, sa sœur, au mois de mai dernier, passant dans le carré, elle a été insultée par la femme Loquin, qui a un chien d'une taille assez forte. Le chien a aboyé, elle a cherché à l'écarter en lui donnant un coup de pied, que la femme Feuillade lui a crié qu'elle était une gueuse, une putain, qu'il fallait lui donner des coups. Et la dame Feuillade lui en a porté et lui a jeté le pain qu'elle portait et que son mari l'encourageait en disant que c'était bien fait. Louis Milot, garçon cordonnier, 26 ans, rue Judas, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, dépose que, comme il travaille chez le cordonnier rue Montagne-Sainte-Geneviève, il a entendu du bruit dans l'escalier et a vu la femme Feuillade qui insultait la demoiselle, autre locataire. J'ai travaillé assez longtemps en équipe à l'école des hautes études avec un groupe sur les femmes et nous avons travaillé sur la violence des femmes. Et donc, pas seulement sur la violence à l'égard des femmes. Voilà, ce qui était aussi un peu tabou à l'époque. On a travaillé sur la violence sur les femmes, bien sûr, mais c'est vrai que moi, dans les plaintes, j'ai énormément trouvé de querelles et de violences entre les femmes qui étaient vraiment très fortes. En fait, très souvent, les violences entre les femmes se passent souvent à l'extérieur, souvent les disputes sur le marché, soit entre les marchandes elles-mêmes, soit marchandes clientes, etc. Et de toute façon, elles sont très souvent négligées par la police. On dit « dispute de femmes ne vaut rien ». C'est une formule qui est très employée par la police. Donc, ça exprime le mépris de la police pour le caquet des femmes. Donc, de toute façon, elles vont faire une embrouille, quoi. Donc, il y a la violence des femmes dans l'espace public. Il y a aussi la violence des femmes dans les émeutes. Et elles sont violentes, vraiment violentes. Et puis, dans les ateliers, la femme du maître est souvent une femme autoritaire qui fait marcher l'atelier. Et il peut arriver beaucoup de violences, soit avec les compagnons, soit avec les apprentis, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de matériaux pour dire que la femme n'est pas la femme toujours soumise. Mais si on travaille sur un sujet comme celui-là, il faut prendre un nombre de précautions absolument extraordinaire. Et c'est donc un sujet, à mon avis, très difficile, parce que majoritairement, les femmes sont quand même violentées. Et donc, on ne peut pas séparer la violence des femmes de la violence sur les femmes. Il y a la question aussi, vous dites souvent, Arlette Farge, de la promiscuité, qui génère aussi cette violence, alors pas que entre les femmes, mais en tous les cas, entre les individus qui vivent dans cette ville, dans ces rues. Mais ça, c'est vraiment très, très, très souvent, c'est le deuxième lieu. Là, je parlais des marchés et des disputes, mais il y a un lieu aussi intense qui est celui des immeubles. Parce que comme les appartements, enfin ça s'appelle pas des appartements, mais les logements donnent les uns sur les autres, sur une espèce d'allée, effectivement il y a une porosité extrêmement grande, ça donne autant de solidarité que ça donne de violence. Là on a Arlette Farge, une archive un peu difficile, non, à décrypter. Là, ce document est très intéressant parce que, en plus d'une plainte, on a en même temps, ce qui est quand même très très rare, de la correspondance. C'est-à-dire, on a des lettres écrites par les plaignants et les accusés, ce qui est très rare parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui savent lire et écrire. Donc, on a des documents, comme vous le voyez ici, qui sont très précieux. En fait, il s'agit au départ d'un vol qui a été fait par une femme, je crois, et elle a été emprisonnée, cette femme, pour ce vol. Et puis, ensuite, comme elle a volé à un autre couple, une dispute très très forte se fait avec des scènes les plus affreuses et les plus déshonorantes, où était traitée à chaque fois la comparante de voleuse, d'escroc, de rendoublée garce, c'est-à-dire d'une double garce et putain, et autres termes infâmes que la prudence et l'honnêteté ne permettent pas de transcrire. Donc le commissaire est très pudique. Et tout ça au milieu de l'escalier, et au milieu d'escalier, en présence de tous les voisins de la maison. Et puis, bien sûr, et c'est là où c'est très intéressant, on voit que les gens qui étaient dans le cabaret à côté se mêlent des choses. Et plusieurs fois, dans les cabarets, ils disent que c'est de la faute du mari de la femme, parce que on l'a vu, en fait, avec... l'autre. Bon, donc il y a un problème grave. D'adultère, alors. D'adultère, complètement. Et là, les choses s'enveniment. Et en même temps, il y aura une sorte de double procédure, parce que se sont tellement battus qu'il va y avoir plainte réciproque, parce qu'il y en a une qui va absolument retirer tous les cheveux, ou presque, de l'autre. Et le cabaret a une très grande importance, parce que les gens sont là, puis ils rentrent au cabaret, et ils se mettent à boire, les injures continuent, et les... Une plainte comme ça, ça génère pas un procès, ah, ça si, génère parfois. Enfin, ça, ça dépend. C'est-à-dire, s'il y a eu blessure, comme là, il y a eu vraiment beaucoup de violence, il y a d'abord une enquête qui est faite par les médecins chirurgiens qui sont appelés, qui vont examiner ceux qui se plaignent de leurs blessures. Et puis, au cas où on sent qu'il y a des blessures graves, il y a effectivement le procès verbal qui est fait et une information. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête. Donc là, il y aura des témoins. Ensuite, après, il y aura soit mise en prison immédiate, ce qui peut arriver sans jugement de l'un ou de l'autre, soit au contraire, mais c'est rare dans ces milieux-là, procès et de toute façon, il n'y a pas d'avocat. Hein. Donc, prison en général au Petit Châtelet, où se retrouvent les gens de ce genre de conditions. Mais il y a bien sûr toute une procédure, toute une instruction qui dure longtemps. Et après, si les gens sont en prison, ils peuvent faire des suppliques, demander leur liberté, on va reconsidérer la chose, etc. C'est un peu, enfin là, c'est vraiment très précis, très clair. Mais c'est pas une justice faite à la va-vite. Ouais. C'est contrairement vraiment, à ce qu'on pourrait, quoi, penser, ce qu'on pourrait croire. Ouais. Voilà. Et surtout, moi, j'ai toujours été très frappée par les rapports des médecins et des chirurgiens qui sont extrêmement précis à une époque où la médecine n'est pas d'une voilà, et quand même quelque chose encore extraordinaire. Mmh. Et là, ils sont tout de suite appelés. Donc, soit on peut être transporté à l'hôtel Dieu, soit on dit, y a même des arrêts de travail, ça s'appelle pas comme ça, mais on dit, voilà, c'est obligé à rester couché tant de semaines, etc. Donc, il y a à la fois, comment dire, et c'est ça qui est très intéressant, un tohu-bohu complet dans la ville de Paris et des choses très régulières et très réglées qui se passent dans un ordre précis. Alors qu'il y a souvent un dispositif policier, administratif, juridique, très précis. Vous pourriez nous lire les autres archives que vous aviez choisies, Arlette Farge ? Alors là, c'est une violence sur une femme regrattière à La Halle. Il faut expliquer ce qu'est une regrattière. Une regrattière, c'est ou un regrattier, c'est un homme ou une femme qui vendent des mets qui ont été laissés soit dans les tavernes, les restaurants, soit dans les hôtels du Marais, laissés, donc qui ont été quelquefois laissés comme ça, soit quelquefois déjà un petit peu entamés. Donc le regras, être obligé d'acheter du regras, c'est effectivement vouloir dire qu'on n'a vraiment pas de quoi manger. Et donc là, il s'agit en effet d'une dispute qui se passe en 1785, à la fin du 18e. La plainte est reçue par le commissaire Serrault, et cette femme, elle est regrattière à La Halle. Elle explique qu'il y a environ une demi-heure, la femme est allée à la place convenue de l'ancienne halle et étant occupée à vendre 6 légumes, les détails sont toujours intéressants, il se présenta à elle un particulier tenant échoppe au marché des Enfants Rouges. Et alors cet homme-là, parce que je ne vais pas tout lire, va lui demander à la regrattière, il va dire je vais repasser, et il dit je les achèterai tout à l'heure. Donc il va retenir ces légumes, qui sont des asperges d'ailleurs. Et finalement, quand il revient, il va refuser de payer la somme qui lui avait été demandée, d'où une énorme bagarre, on peut dire, très grave, parce que celui donc qui ne veut plus acheter ces fameuses asperges, sans aucune autre explication, porte à la femme un violent coup de poing dans l'estomac, il la renverse sur le carreau, en sorte qu'elle se répand avec de très vives douleurs, notamment à la mamelle droite, ainsi qu'elle le déclare, comme elle est enceinte. Et elle est enceinte de près de 7 mois, précise-t-elle. Ça, c'est aussi une précision qui est très rare, parce que, en général, on sait, les femmes ne savent pas de combien de mois elles sont enceintes. Et que le dit Délire, c'est le nom de l'homme, dans le même instant, dit à la plaignante qu'il allait lui porter 100 coups de pied dans le ventre, et qu'il se mit même en devoir d'effectuer ses menaces. Et heureusement, des personnes sont venues relever cette femme, la plaignante. Elle va être effectivement très blessée. Et ça, tout de suite, il y aura un rapport médical. En plus, les coups de pied ont été vraiment effectués de façon tellement violente que bon, toute la population est en émoi. D'autant qu'on voit bien que la femme est enceinte. Sur sa liste, 7 mois, ça se voit. Et que lui va être effectivement mis en prison. Les témoignages sont tous les mêmes. Et donc... il y aura un interrogatoire. Il y a toujours des interrogatoires. Et lui, il va effectivement dire qu'il n'a pas été si violent que ça, bien sûr. Et puis, en fait, il va dire qu'il ne voulait pas ses asperges. Et après, on peut le voir, il signe son interrogatoire. Et en fait, il va y avoir une audience. Les parties sont renvoyées à l'audience, c'est-à-dire qu'elles vont être confrontées. Voilà. Série Y 15117. Joseph Labussière, compagnon maçon demeurant à Paris rue de la Vannerie. Hier, sur les 11h du soir, passant rue de la Vannerie pour rentrer chez lui, il vit un petit garçon âgé de 6 à 7 ans qui était tout seul et qui paraissait perdu et égaré. Qu'il a dit que son père se nommait Lebègue, que sa mère est dévideuse de soie et qu'ils sont de Beauvais en Picardie, qu'il ne se rappelle pas le nom de la rue, que c'est en jouant qu'il s'est égaré. Il a emmené le dit enfant chez lui pour le garder jusqu'à ce qu'il soit réclamé par ses parents. Et cependant, pour se mettre à l'abri de tout reproche quelconque, il a cru devoir nous venir faire la déclaration, promettant d'avoir soin et de ne le rendre qu'à ceux à qui il appartiendra. J'ai beaucoup travaillé sur les enfants parce qu'ils ont une importance très grande dans leur quartier. D'abord, ils travaillent, ils sont apprentis souvent, et puis en plus, ils sont ce qu'on appelle des messagers, vraiment des enfants qui donnent les nouvelles, qui quittent le quartier pour aller dans les endroits du centre ou au Palais Royal, écouter les nouvelles, savoir le prix du pain, le prix du blé, rentrer chez eux, annoncer à leurs parents, ben voilà, ce qui se passe ou ce qui se passe quand il y a des moments de guerre. Ils sont très aimés du quartier. Mais donc, il leur faut une bonne réputation. Ils vivent beaucoup dans la rue. Ils sont tout le temps dans la rue. Tout le monde vit dans la rue. Alors, ils vivent dans la rue, en effet. Ils vivent dans la rue. Il n'y a pas d'école. Ou alors, certains prennent un ou deux cours comme ça à la volée, puis un ou deux cours de catéchisme. Enfin, ils sont constamment dehors, effectivement. Série Y, 10943. Liste tenue par le commissaire Thiéron. 25 mars 1757. Un garçon trouvé rue Saint-Honoré sur un banc, portant dans ses langes un billet. On supplie humblement les dames des enfants trouvés d'avoir toutes les intentions d'un enfant né de parents très sains. On leur retirera, on prie de donner une bonne nourrice pour le lait et que l'enfant ne soit pas estropié. 5 mai 1756. Une fille trouvée, ayant dans ses langes un billet, Élisabeth, baptisée à Saint-Sauveur, auquel billet est attaché un bout de ruban de soie, fond rose à fleurs vertes et une rose blanche dans le milieu. 10 juin 1758. Deux enfants trouvés, un garçon et une fille amenés par un savetier. Au cou de chacun, un cordon de fil blanc duquel est attaché le quart d'une pièce de 12 sols et une carte en triangle où sont écrits ces mots. L'on compte retirer ces deux enfants, on prie de leur laisser leurs marques au col. 1er janvier 1765. Une fille nouvelle-née avec un billet dans les langes. Je prie mesdames d'avoir soin par pitié de cet innocent, attendu que ses parents sont dans la pauvreté et viendront le retirer dès qu'ils iront mieux. On désirerait que l'enfant s'appelle Angélique Rosalie. Là, je crois que, effectivement, on entre dans un domaine qui est vraiment très, très particulier. Les enfants trouvés, qui sont très nombreux, sont donc à peu près 20 000 par an à Paris. Et il a souvent été dit que finalement, les parents n'avaient pas de sentiments très forts pour leurs enfants. Et dans les archives, là, je ne peux pas dire que l'émotion ne soit pas très forte. Je pense que vous la comprendrez comme moi, c'est-à-dire que lorsque les enfants sont abandonnés, vont être abandonnés soit sur un carrefour, soit sur le porche d'une église, soit c'est la sage-femme elle-même qui va l'amener dès sa naissance, la maman a décidé de l'abandonner, au commissaire de police. Et si la maman a demandé qu'il soit baptisé avant, il va aller à l'église et le prêtre va baptiser l'enfant. Et ce qui est très très étonnant, c'est le nombre de billets et de certificats de baptême qu'on retrouve épinglés sur le corps des petits-enfants emmaillotés, écrits alors, en général, évidemment, et ils sont écrits de façon très précaire, si je vais dire, par des gens qui n'ont ni argent ni qui écrivent comme ils peuvent. Et vous avez comme ça, vous voyez, toutes les formes d'écriture, parce que, en fait, les parents pense que si l'enfant va aller à l'hôpital des enfants trouvés, ce qui est en effet sa destination après que le commissaire de police ait fait son procès verbal, eux, ils ont l'espoir d'aller à l'hôpital des enfants trouvés, le retrouver quand ils auront de l'argent. Et alors ça, c'est d'autant plus impressionnant qu'il y a en effet des gens qui vont rechercher leurs enfants. Ils ne savent pas que l'hôpital des enfants trouvés, c'est un véritable mouroir. Et donc, soit ils vont pouvoir aller assez rapidement, et l'enfant, très souvent, la plupart du temps, sera décédé des maladies contagieuses qui se répandent à une allure extraordinaire à l'hôpital des enfants trouvés, étant donné la promiscuité, ils sont tous dans le même lit, etc. Et puis, d'autres cas que j'avais trouvé, enfin, je n'avais pas trouvé beaucoup, mais qui m'avaient énormément impressionné, c'est une maman qui vient chercher son enfant, mais c'est 10 ans après. Et 10 ans après, on lui montre des petites filles qui pourraient correspondre. Donc, elle voit arriver 10 petites filles, elle ne reconnaît pas, mais tout d'un coup, elle choisit une d'entre elles, elle dit c'est elle. Et elle va partir avec cette petite. C'est sûrement pas sa fille. Sa fille a dû mourir. Bon, enfin bref, c'est. Et c'est dans cette espèce d'idée absolue, et là qui est très très forte, je crois, dans l'intériorité des parents, que l'hôpital des enfants trouvés, que les religieuses, que le baptême, que tout ça, ça protégera. Ça protégera forcément l'enfant, et que bien sûr, on ne peut pas ne pas le retrouver. Alors. Il y en a qui ont plus d'astuces encore, c'est-à-dire qu'ils vont là, je crois qu'on a, un morceau de tissu que j'ai montré, mais il y a un morceau de vêtement, et alors épinglé sur l'enfant, et les parents vont garder le même pour que si l'enfant revient, ou si on le retrouve, ou s'il revient de nourrice, parce que quelquefois ils partent de façon très lointaine en nourrice, on retrouvera effectivement grâce à ça. C'est toujours cette idée du retour qui est constante, et voilà, c'est, je veux dire par là que ça infirme vraiment ce qui a été dit pendant très longtemps, et ce qu'on a beaucoup cru sur l'inintérêt que portaient les parents aux enfants. Voilà. Et ici, les parents prennent soin de dire que l'enfant est légitime. Ça, c'est très, très important. Parce que si l'enfant n'est pas baptisé et qu'il meurt, on sait que son âme va dans les limbes, c'est-à-dire qu'elle va tourner constamment et jamais trouver le repos éternel. Alors, est-ce qu'on parle maintenant de Madame Montjean ? Extrait de La révolte de Madame Montjean. Je lui dis avec douceur : comment, ma femme, est-il possible que nous ayons des trains de vie comme cela ? Elle me dit tout à trac qu'elle ne voulait pas travailler, qu'elle n'était pas faite pour travailler, que c'était à un homme à nourrir une femme, qu'elle avait vu chez son père maintes femmes qui ne travaillaient pas et que leur mari avait des emplois. Et que si je lui empêchais de recevoir de Mars, qu'elle ne travaillerait absolument point, que j'étais un vilain jaloux. Montjean récite fébrilement la liste de ses propos. Ce qu'il lui faut, ajoute-t-elle, c'est de la compagnie. Aller à la promenade, puis à la comédie. Depuis qu'elle est revenue de la campagne, le dedans lui est devenu insupportable. Travailler prend sa vie, dit-elle, et l'empêche d'être dehors, là où réside le bonheur. Se faire voir, paraître, se promener, tout ce qui organise en somme le délicieux mode de vie des gens aisés. Pourquoi donc en serait-elle privée ? Voici un document très intéressant. C'est plus qu'un document. En fait, c'est un journal qui a été écrit, qui n'a ni début ni fin, à vrai dire. Justement, voilà, détail de tout ce qui s'est passé depuis le 30 mars 1774. Donc, c'est un mari qui va, jour après jour, dans une espèce de style vraiment échevelé, comme quelqu'un qui est sous pression, qui est essoufflé par tout ce qui lui arrive, qui va expliquer ce que sa femme lui fait subir, en somme. Cet homme est un artisan, un marchand de mode dans un quartier populaire de Paris. C'est certainement pas un marchand de mode de très très important, parce que il a une femme, deux enfants. Il parle que de sa petite fille, mais il a deux enfants, et il a une servante et puis une aide couturière qui s'appelle Madeleine. Donc c'est pas une entreprise énorme, et sa femme, normalement, comme toutes les femmes de maître dans les ateliers, est censée travailler pour lui, c'est-à-dire coudre, etc., et aller représenter la marchandise chez les bourgeoises du quartier. Or, voilà ce qui lui arrive, et il va écrire à ce moment-là, c'est-à-dire que sa femme, un jour, part à la campagne, et elle est reçue, elle part à Gisors, et elle est reçue par une compagnie qui lui est très très agréable, de gens semi-libertins, c'est-à-dire de petites conditions, même pas aristocratiques, mais grandes bourgeoises, libertines, et elle va passer 15 jours merveilleux, où elle va manger des huîtres, boire du vin, passer sa vie à table, sortir, déboutonner la culotte de son voisin, je dis ce mot-là parce que c'est une des grandes joies du petit peuple libertin. On se déboutonne la culotte, on se pince, c'est une façon de très drôle de s'exprimer. C'est même pas se séduire, c'est de jouer avec son corps dans cette société très sensuelle et très libertine. Donc c'est comme un petit cahier, c'est ça? Alors c'est son journal, c'est son petit cahier, et qui n'a ni début ni fin. Alors, on ne sait pas comment ça se termine, voilà. Sauf que donc c'est plein de péripéties, et donc elle va revenir, et à partir de là, elle va dire à son mari, elle va le dire 9 fois dans ce petit cahier, c'est un homme à nourrir sa femme, elle va refuser de travailler, elle va vouloir vivre à Paris la vie qu'elle vivait là-bas. Sauf qu'elle n'a pas la condition pour le faire. Et elle va prendre, elle va vouloir imiter tous les rites des aristocrates, mais au petit pied, parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle veut changer de condition, Madame Mongeant. Elle veut changer de condition, oui. Elle n'est pas féministe, hein. Je pense qu'elle n'est pas du tout féministe, mais elle veut en tout cas imiter les grands qu'elle habille, au fond. Dans son métier, c'est de les habiller. Et à force de les habiller, de connaître leurs coutumes, leur façon de se maquiller, les femmes, etc., de vivre, d'aller sur les bords de Seine, d'aller au jardin, elle va effectivement vouloir cette vie-là et s'échapper constamment. Et ça ne serait rien, si ce n'est qu'elle veut aussi, ce que font les aristocrates à l'époque, recevoir chez elle, ce qui devient de plus en plus insupportable pour le mari, pour Monsieur Mongeant, parce qu'il voit arriver à sa table un nombre incroyable d'invités, et quand il rentre parce qu'il part souvent en province pour faire des commandes, quand il rentre, il voit tout le monde attablé, toutes ses bouteilles sont vidées, etc. Ils restèrent chez moi jusqu'à 7 heures, et comme ils allaient s'en aller, ma femme me dit de les prier à souper. Je ne le voulus pas. Le lendemain, le dit Richer vint à midi, midi et demi, au sortir de son bureau, faire une visite à ma femme. Et il resta jusqu'à près de 2 heures. Elle l'engage à dîner, ce qu'il accepte d'abord. Je rentre à 2 heures. Je ne suis jamais plus étonnée de trouver le dit Richer à la maison. Et ma femme qui me dit « Ne vous laissez en aller, je l'ai engagé à dîner. » Je ne réponds rien, on se met à table. Ma femme l'engage à venir promener Palais-Royal. Il reste jusqu'à 7 heures qu'il retourne à son bureau. Et le soir, ils vont aller promener au Palais-Royal. Le lendemain, vin, souper et au Palais-Royal. Le surlendemain, dîner, souper et au Palais-Royal. Il était tantôt à dîner, tantôt à souper et se promenait tous les soirs, amenant même son frère. Cela plaisait à ma femme. Il ne se lassait pas de venir boire et manger à la maison. Ce journal, quand je l'ai trouvé, que je l'ai lu en entier, j'ai d'abord hésité. Je me suis dit, est-ce que je le publie? Parce qu'il y a un nombre de détails extraordinairement intéressants sur lui, sur la façon dont il s'occupe aussi de son enfant, sur sa famille, les parents, etc. Mais j'ai décidé non pas de le publier parce que ça me semblait très difficile à lire et très difficile. Il n'y a pas de syntaxe, c'est pas quelqu'un qui écrit très bien et je pense que les gens se seraient ennuyés à le lire. Et donc j'ai préféré travailler pour le mettre en contexte avec cette fin du siècle, enfin 1775, d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses. On est en pleine émeute pour la fin, en 1775. De cela, il n'est absolument pas question. C'est complètement un huis clos. C'est cet homme qui va tout le temps ressasser ce qui lui arrive, courir après sa femme constamment. Enfin, d'ailleurs, ça trouble son travail parce qu'il faut aller la chercher sur les bords de la Seine. Elle adore aller là. Elle adore monter dans les batelets. Elle a dans les petits bateaux de passeurs. Elle adore prendre les bras des gens. Elle se trompe. Elle prend le bras d'un danseur d'opéra en croyant que c'est très bien. Or, les danseurs d'opéra sont des gens qui sont excommuniés, qui n'ont même pas le droit à être enterrés. Donc, elle fait tout le temps des erreurs. Mais elle se dit, c'est le danseur de l'opéra, c'est drôlement bien d'être à son bras. Mais il y a cette histoire aussi, Arlette Farge, que vous montrez bien, que lui, ce mari veut l'excuser, elle se repentit à plusieurs reprises, elle va changer, et elle n'y arrive pas, et lui ne veut pas non plus, parce que la solution dans ces cas-là, La solution, c'est d'aller voir la police et soit de la mettre au couvent, soit de demander son embassillement. Ce qu'il ne veut pas, lui, du tout. Elle en a très peur. Donc, dès qu'il lui dit ça, elle va travailler une journée quand même un peu ou faire semblant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent ce qu'il y avait de touchant aussi dans qu'il est attaché à elle, non pas parce qu'elle pourrait l'aider à son travail, mais parce que c'est quelque chose de viscéral chez lui, de très affectif. Et en même temps, ça va si loin qu'ils vont même aller jusqu'à un duel. Mais un duel, ils n'ont pas le droit de porter l'épée. Lui n'a pas le droit de porter l'épée. Il va arriver au duel avec un bâton, ce qui est... Si vous voulez, à chaque fois qu'ils vont tenter d'être comme des aristocrates, ils font vraiment l'envers des choses. Par exemple, il y a aussi quelque chose qui est très symbolique de la vie de l'aristocrate, c'est de se faire faire le portrait. Alors, elle va chez une pâtresse, mais une pâtresse qui peint n'importe comment, quoi. Et là, ça m'a fait penser aux phrases de Diderot, qui a beaucoup parlé de cette chose-là, en disant que vraiment, il y en avait dans tous les carrefours des pâtresses de bazar, quoi, au petit pied. Et elle va convier tous ses amis, et elle va avoir en effet sa peinture. On la voit pas, évidemment, cette peinture, mais c'est pour elle, je sais pas, c'est plus qu'un talisman, c'est plus que recevoir l'hostie, c'est quelque chose d'inouï d'avoir son portrait. Et donc, on entre dans la vie de cette femme et on croit, parce que ça c'était ma grosse question, est-ce qu'elle est féministe, est-ce qu'elle se libère et tout. En fait, elle est emprisonnée dans un modèle aristocratique qu'elle ne pourra jamais atteindre, c'est sûr. Et en plus, elle va, moi ce qui me faisait pitié, enfin presque pitié, c'est que c'est comme quelqu'un qui veut monter un escalier, chaque marche doit redescendre, chaque marche elle se trompe. Et lui il va essayer de la sauver comme il peut, d'ailleurs de lui-même il est aussi très attentif. Par exemple un jour elle dit on va aller manger des goujons. Parce que les goujons c'est très très apprécié, donc des assiettes de goujons et il marche derrière elle, il court parce qu'elle est toujours au bras de je ne sais combien de personnages. Et il s'aperçoit qu'il a un tout petit trou à son bas noir. Il en est malade, lui aussi, quelque part. Aussi dans la scène du duel. Il a aussi ça. Il veut aussi, peut-être inconsciemment, enfin là je fais un peu de psychanalyse, mais je crois que c'est pas toujours mauvais, il veut aussi être très digne, très bon. Et c'est ce souci des petits détails aussi que vous regardez, Arlette, à travers ce carnet, ce cahier. Justement le trou dans le bas, le maquillage un peu trop marqué de Madame Montjean. Alors elle, ça c'est vraiment 1785, donc je rappelle que c'est une année très précise, c'est aussi l'année où les aristocrates vont penser que de mettre trop de rouge aux joues, c'est ressembler aux bouchères et aussi aux prostituées qui sont près des équarisseurs, qui mettent beaucoup de rouge, le sang, l'équarissage, etc. Et donc la mode en 1785, c'est se mettre du rose. Et elle sort avec du rouge aux joues, donc elle a tout faux. Et À la fin, même s'il n'y a pas de fin, il y a une exaspération telle, on sent une exaspération telle chez le monsieur Montjean. Il va voir les parents lui disent mais il faut l'enfermer, etc. Le lieutenant de police ne lui conseille pas de la faire enfermer à la Bastille. Mais moi, dans mon fort intérieur, je me suis dit, je pense quand même, j'en sais rien du tout, mais je me dis que l'hypothèse sous la pression familiale, c'est qu'elle va faire un petit séjour au couvent. Peut-être, je n'en sais rien. Mais je trouvais ça formidable de pouvoir raconter une histoire qui n'a ni début ni fin, mais dont le centre est vraiment une sorte de ce que, en cette fin de siècle, du péril aristocratique, en fait. Elle veut l'imiter, un monde qui va s'écrouler dans très peu de temps, dont elle s'aperçoit même pas que on est à la fin, et c'est normal qu'elle s'en aperçoive pas. Et en même temps, il est conseillé par les domestiques. C'est très intéressant, le rapport des domestiques et des servantes qui sont vraiment des, c'est pas des domestiques de grande maison, qui voient, elles, parce qu'elles sont justement tout en bas de l'échelle. Et elles, elles voient très bien que cette toute petite bourgeoisie qui est en train de faire ce qu'elle fait, elle est dans l'erreur fatale. Donc, bon, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, voilà, j'avais eu envie de travailler sur ce dossier. Et donc, du coup, alors, c'est vrai que, bon, à travers ce, vous en avez fait un ouvrage, hein, oui, les trages, hein, c'est la révolte, quand même. La révolte de Madame Monjean. De Madame Monjean. Enfin, c'est pas moi qui choisis le titre, hein, j'aurais pas appelé comme ça. Mais c'est pas grave, les éditeurs, quelquefois. Il a fallu, bon, comme toujours, parce que c'est sûr qu'il y a ce journal, il y a donc ces écrits de Monsieur Monjean, mais il y a aussi des. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'il faut se questionner, faire des hypothèses, il faut combler des vides. Ben oui, moi je ne voulais pas faire un roman, parce qu'on peut faire un roman. Mais... je ne voulais pas faire un film. Mais c'est très cinématographique. C'est très visuel. Et je voulais que ce soit complètement contextualisé dans la société de ce moment-là et qu'il ne soit pas du tout question de raconter une histoire, une fiction. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu le publier tel quel. Mais je voulais en faire un objet historique et non pas une histoire à quatre sous. Lettre à Barnabé. Cher Barnabé, je me souviens de vous avoir rencontré il y a un an dans les archives de police du XVIIIe siècle. Vous n'êtes plus sur Terre depuis bien longtemps, pourtant comme d'autres, vous m'êtes compagnon. La rencontre avec vous fut étonnante. Je ne cherchais rien de particulier. Il est des heures où en bibliothèque, face aux archives de police emplies de récits de vie singulière affrontés aux autorités, je me prends à flâner, manuscrit après manuscrit, m'attachant aux situations, aux personnages, aux hommes de police, aux menteurs, aux colériques et aux amoureux, aux soldats, aux gens de misère et aux piètres voleurs. Ce jour-là, votre prénom, Barnabé, m'a attiré. C'est joli, Barnabé. Vous étiez interrogé par un commissaire de police, un certain 14 décembre 1763, pour avoir frappé dans un cabaret un officier recruteur de soldats. Vous disiez ne pas savoir exactement votre âge et vous avez déclaré être marchand des rues. Au commissaire, qui vous demandait pourquoi vous aviez si durement secoué cet homme, nommé Clément Jourdain, vous avez répondu que ce dernier était en train d'enivrer un de vos amis, Jean Bonhomme, garçon de boutique, dans le seul but de lui faire signer ensuite le papier officiel qui entraînait de fait et immédiatement son recrutement comme soldat et son départ à la guerre. Alors là, pour moi, c'est vraiment autre chose. C'est pas parce qu'en ce moment, le grand thème, c'est roman et histoire. Et moi, je suis du côté de ceux et de celles qui, j'ai toujours dit, j'écrirai jamais de roman, que je ferai jamais de récit, que je ferai toujours de l'histoire. Et je continue à le dire. Et j'ai souvent du mal avec ceux qui, les auteurs, sauf certains, qui font de la fiction avec l'histoire. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi beaucoup. Et donc le livre qui vient de sortir, là, c'est en fait tout à fait autre chose. Ce serait comme si, mettons, je mettais à quelqu'un, mais me demande, tiens, tu sais dessiner, fais un tableau. Pour moi, c'est pas du tout de l'histoire. C'est une rencontre avec une éditrice qui a une toute petite collection qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie pour vous ?» et qui me demande si je peux écrire quelque chose sur ce thème. Et au début, je refuse. Et puis après, je réfléchis. Je dis « Je peux faire qu'une chose, c'est écrire des lettres fictives, comme j'aime beaucoup écrire à la main. » Et j'écris, je sais pas, une quarantaine de lettres, je crois. Alors bien sûr, on me voit, donc on me voit, mais c'est pas du tout autobiographique, c'est pas un récit. Ce sont des réflexions. Des réflexions, voilà, des pensées. Voilà, des pensées sur des thèmes divers, voilà. Il y a quand même une lettre à Barnabé. Oui, il y a quand même ma vie d'historienne et j'écris en effet à un certain Barnabé que j'ai rencontré dans les archives. Je lui écris en lui disant qu'il lira jamais cette lettre. Mais c'est quelqu'un qui a lutté, contre les officiers recrutés qui venaient saouler les gens pour qu'ils signent leur billet et partir à la guerre. À la guerre. Et ce Barnabé s'est interposé avec ceux qui faisaient ça. Ça a fait une échauffourée. J'ai trouvé que Barnabé était vraiment un homme très sympathique. Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre dont je raconte l'histoire qui est, elle, totalement vraie et sortie des archives comme celles que nous avons présentées ensemble tout à l'heure. Voilà, et là vous dites, face aux archives de police, vous racontez aussi, évidemment, Arlette Farge, face à ces menteurs colériques amoureux, aux soldats, aux gens de misère, aux piètres voleurs, il y a ce Barnabé qui se dit marchand des rues et qui va mettre en cause, parce que c'est ça aussi que vous avez voulu, que vous voulez démontrer à chaque fois, c'est que ces petites gens assez pauvres, modestes, ont un rôle politique aussi. Ah oui, très fort. Très fort. Ça, c'est vraiment... D'abord, aussi, oui, bien sûr, parce qu'on leur dit tout le temps qu'ils ne pensent pas. On dit le peuple imbécile, le peuple femelle, le peuple animal. Et dans cette lettre, vous dites que l'histoire se fabrique aussi à coups d'éclat singulier. Oui, je crois. C'est-à-dire que c'est parfois des moments, même succincts. Je pense que l'histoire est fabriquée d'instants. Certains sont plus significatifs que d'autres. Barnabé a fabriqué quelque chose, puisque la peur sera grande plus tard et que, justement, la police fera très attention. Donc, je pense que les éclats de vie, les éclats de joie ou de tristesse, s'ils ont une certaine portée dans le public qui a assisté, ils fabriquent l'histoire, celle que nous connaissons mal. Et juste peut-être pour terminer, j'ai amené le 14 juillet d'Éric Vuillard. Ouais, très beau livre, fiction, un roman, c'est lui qui le dit. Non, c'est un récit. Et il a détaillé la journée, il a été aux archives. Et c'est tous les gens qui ont pris la Bastille et ils racontent comment ça s'est fait ce jour-là, du 14 juillet. Et c'est un livre fascinant, qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Parce que c'est par les menus détails. Mais oui, il a comment il travaille... Je n'ose pas dire qu'il travaille comme moi. Il le dit lui-même, oui, lui, il fait du roman. Parce que ce qui est écrit là, tous les détails, sans doute, sont vrais. Mais l'histoire n'est pas vraie. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai adoré ce livre. Vous n'êtes pas une romancière? Non, je ne suis pas une romancière. Je ne sais pas faire un roman. On me demande tout le temps, mais je n'ai pas envie, puis je ne sais pas faire. Merci à Arlette Farge et Isabelle Fouché. Texte lu par Hélène Losseur. Prise de son, Yves Lehors. Une émission de Séverine Liattard et Séverine Cassard. Demain, nous terminerons cette plongée dans les archives en partant de ces archives du XVIIIe siècle vues par Arlette Farge et en nous retrouvant du côté de la Belgique et des éditions de bande dessinée Casterman qui classent et qui rangent leurs archives ces temps-ci. C'est le documentaire que nous pourrons écouter demain signé Victor Massé de l'Épinay et Marie-Laure Ciboulet dans la Fabrique de l'Histoire.